Avec violence, assiège avec vigilance. Le rap dans sa diligence. Au front, j'active le processus. J'enclenche la pénétration du rap jusqu'à l'utérus. En plus, c'est dingue. On se tape dans ce monde sans soleil. Dans la jungle du rap, j'dois agir de mon sensoriel. Au cœur de ce pays de sans oreille. Un groupuscule armé milite au max sans sommeil. Faut oser sans oser. Mettre la boue sous les semelles. Gravir les sommets, même si en toi le doute se mêle. J'ai semé la graine, y'a trop de grandes gueules. On te rajoute des lunettes et t'as la tête à Steve. Mec, cette porte ouverte, ma cave. Je laisse derrière mon chemin des découvertes macabres. Putain, les wacks ne s'intéressent qu'aux putains. Quoi qu'il arrive, ça revient. Même si t'as putain. Laisse-moi ouvrir le bar, rap avec la rage. J'ai toujours la dalle de première classe pour mes chakras. Mes premières balles, je les ai posées dans des caves. Je voyais plus d'un oreille et fait des micros mes cadavres. Le rap est ma maison, fais attention. J'ai remplacé le mur du son par celle des lamentations. On place donc dans les plans comme une pute. Les filles sur une splanque, car mon rap a mauvaise des putes. Je répète, maintenant je rappe pour que ça pète. J'suis pas là pour faire des singles bêtes, seulement pour les pépettes. Moi je m'amuse, moi je rappe pour amusement. Kick pendant 12 mois, non stop jusqu'à épuisement. J'ai que SB, mon show est trop de SSP. Jaloux de ma vibe, j'pense que j'fume trop de hashish. Ma voix pénètre dans tes orifices, te blesse, c'est Bastien. Ta voix grille et ta plus grosse roue dans tes fesses. Percer avec violence, la rage me conduit et la haine nous sert de volant. Rage notre voix avec violence, on lâche notre flow. La sortons d'un volcan, on veut percer avec violence. La rage me conduit et la haine nous sert de volant. Rage notre voix avec violence, on lâche notre flow. La sortons d'un volcan. Avec tout rapide pour les enfers, pour les faux frères. Un texte où je crache mon somme sans les coutures qu'on m'a offert. Mais y'a plus mal que moi, et tout ça je me rends pas compte. Si je regardais la vie des autres, ça fait longtemps que j'aurais moins con. J'faut son déchauffement, je m'en bats des élongations. Car quand je suis au mic, tu sais que c'est long garçon. Attention peut-être au virage, marque est-ce qu'y'a pas de mirage. Mais moi c'est la couture, faire de la couture pour les coutures. Personne connaît la règle de cette vie dans ce bas monde. Si quelqu'un peut me guider, je dirais vas-y pas monte. Je vais pas dire que chez moi on se les caille. Mais le luxe serait de rouler en Cayenne. J'arrive Kaira, moi et mon équipe même. Le star nous évite, joue pas les fous, sinon tu écuras le sang sur les vitres. J'arrive boum boum, c'est marque est donc vas-y zoom zoom. T'as le seum seum, t'as plus d'équipe, tu te sens seul seul. Porte des seins, ferme ta gueule gueule. Je rentre dans le rap comme dans une chatte, avec douceur. En bref, comme j'ai fait à tes douceurs. J'pose un petit 16, ouais, pour le dérangement. Place sur le son, pas le temps pour un dérangement, non. Allez, Marcus, encore un son sur notre table chat. J'colle ma mine au bout de mon doigt pour faire kicker les charts. On m'a dit ouais, ouais, alors l'instru, j'la saigne. J'ai redit ouais, ouais, j'ai droit vu que Marcus le sait, ouais. J'la marque de notre logo, tout ça au vert rouge. Ça doit être bon, de toute façon, j'y vais vu que mes frères bougent. J'emmerde les gens qui me disent Gwen, joue la ghetto. Pour prouver tout comme dirait mon père Gecko. Je tire à vie vu que j'ai plus le temps, que l'attention monte. Que la rage m'entraîne dans des couplets où je parle en son nom. J'ai besoin de texte, encaisser ma grande peine. Je braque ma tête, lui rends des feuilles, elle me les rend pleines. Le nom c'est FBMG 9275 à somme. Voilà les seins de porte des seins, ouais, jusqu'en le on veut percer avec violence. La rage me conduit et la haine nous sert de volant. Rage notre voix avec violence. On lâche notre flow. La sortons d'un volcan. On veut percer avec violence. La rage me conduit et la haine nous sert de volant. Rage notre voix avec violence. On lâche notre flow. La sortons d'un volcan. Gecko, Braco de l'aéro.